Bienvenue au marché d'Orient. Plein de saveurs orientales. Vous voulez des olives, mademoiselle? Voulez-vous de l'agneau, monsieur? Ici, c'est les épices. Le moins cher de tout le continent. 10 francs carpet. Bienvenue au marché d'Orient. Sentez-vous ces bonnes odeurs? Voulez-vous du mouton? Ou une bonne viande d'agneau? Des olives, mademoiselle? De l'agneau pour monsieur? Bienvenue au marché d'Orient, le meilleur de tout le continent. Voulez-vous des olives, mademoiselle? De l'agneau pour monsieur? Bienvenue au marché d'Orient. À bientôt.